Cosatto la feia, ma la roda tu è, ma la patrova tu è. Non fais finto, les pas drôle, mais saute mon cœur continuellement. T'as l'air mi regrette, toi un petit créole, mi rôde à oreilles, mange pas piment. Tu veux jouer ton petit patron, tu rappelles bien toi les télitones. Moi la prends, toi mange dans le soulier, voilà que maintenant tu veux commander. À partir dorénavant, toi va faire sac midi à toi. Arrête, mettre ton orgueil devant, écoute à moi, toi va gagner. Ah non, ma fille fine. Arbitre ton jugement, oui, pense-toi les blancs comme cacher la spirite. Pense-moi la trouve à jouer dans la cuisine. Reste un peu tranquille, la redevient comme avant. Ah non, ma fille fine. Arbitre ton jugement, oui, pense-toi les blancs comme cacher la spirite. Pense-moi la trouve à jouer dans la cuisine. Reste un peu tranquille, la redevient comme avant. Viens, côté pointé, va trouver ton bonheur pour de vrai. Avec moi, sinon bien sûr à toi, bataille va péter. Ah non, ma fifine, avise ton jugement. Oui, pense que les blancs comme cacher l'aspirine. Pense-moi la trouve à toi dans la cuisine. Reste un peu tranquille, redeviens comme avant. T'y cause bien, mon vieux Joseph. Rappelle à toi dans la grande nef. Quand toi il a dit oui, l'église point neuf. Fallait dire non, l'était pas trop tard. Seulement toi il est trop en tard. Devant la porte, lavait le gars. De Moon Saint-Paul était il veut voir. Mariage à blanc avec un noir. Toi aussi, toi n'est pas drôle. Arrête à tous à ton mariole. Au lieu de boire sous, prends la mandose. Apporte un point de bouquet d'eau. Ah mon vieux Joseph, avise ton jugement. Oui, pense t'y connais pas, mange avec fourchette. Fifine, qui rappelle bien ton cosmos. Joseph et les gaillards dans ton costume. Fifine, tous les jolis dans ton mousquine. Embrasse à nous, n'y redeviens comme avant. Embrasse à nous, n'y redeviens comme avant. Embrasse à nous, n'y redeviens comme avant. Embrasse à nous, n'y redeviens comme avant.